parfois je me perds dans les ruelles. Déconnecté du monde réel. À l'affût des beautés cachées dans les rues de mon quartier. Et je vois des couleurs et des Space Invaders. Je sens les épices et le parfum des fleurs. La lueur chaude qui s'échappe des foyers. Et même parfois la danse des néons un peu saccadée. Des colonnes de pierre transpercent le ciel. Des mosaïques ombrées, paf, des ruelles. À défaut des étoiles, la tour illumine le ciel. Et la chaleur moite des rues remplace celle du soleil. À la terrasse, les gens chantent et crient. Et dans les bars qu'on joue et on rit. Pour rien au monde, je ne rendrai ma ville. Intemporelle, elle fait partie de ma vie. On se nourrit de l'ordinaire. Tirer des plans sur la comète, à quoi ça sert? Je préfère de loin croire en mes pères. Même si parfois on finit con. Souvent à force de sommation. Qu'à ma droite les portes claquent et qu'à ma gauche on attend des solution. Ma ville nous rassemble, peu importe si on se ressemble. Et quand on s'assemble, le courage et l'espoir s'entendent. Alors repue, je suis les belvédères. Et le cœur plein, j'attends une autre aventure ordinaire.